Yeah. Là, you know what? Ouais, ouais. Sink me softly. Langage des signes. Écoute, yeah. Ah, Sung Mi démarre, tu sens l'hip-hop. Créateur de réacteurs, des barres, vote en pif-hop. Vos rédacteurs, tous les acteurs, des crasses restent en J-pop. Des tartes à l'anti-pop, j'suis mon propre prédateur. J'suis le guépard et l'antilope. Ouais, j'suis avec ma famille, moi j'ai pas le temps pour leur game leur jour. On taffe la nuit, donc rarement c'est notre meilleur jour. Productif, on maîtrise alcool et weed. Donc on est kid gros dans l'équipe, des risques, des mal comme des douilles. Enfin, j'me balade dans les grosses fêtes, pas 20 dans les concerts. Rouge qu'un 20 dans les calages, garde mes balles après les concerts. Feu le palace et les bonnes airs, pas de canage dans les showcase. J'ai la mission cheval vu que je cravage comme un jockey. Dans les parages, les échoqués. Gros, ils ont cru que j'y arriverais pas. Mais j'tape des barres, j'en faut barrage. Et les projets, ça parlera sur tes projets. Canard pour les gros chèques. Chacun ses armes, mon rap, dit chat calage, ça ricochet. Des patates et des crochets. J'garde l'intal pour les crochets. Gros, la maille, yeah. Il en reste en bagaille, y'a des crochets. Sur les maglines, pour les projos. Pour mes bâtards et mes prolos. J'écoute ta face, t'as déconné. J'vois ta face, t'es rigolo. Et ouais, j'm'en grosse, cherche la parfaite rime. J'veux rien, le parfait rire, ouais, j'm'en roule, on va pas faire trim. J'prépare le plan d'action, implantation. J'y apprends ta leçon. Mon rap des transactions d'incantation. Non, non, reste pas de s'écraser. Rec mon rap décrase, façon en face, leur base est cramée. Ils se grattent les boules quand j'gratte des faces, c'est terminé. J'reste déterminé. Expert de plus d'exter, expert, j'vais les exterminer. J'suis mis la peine à faire, aucun thème à fait. J'me sers un verre, puis j'tente me faire la belle comme si j'étais peine à fleck. J'peine à faire des phrases correctes, j'articule du mal à feindre. J'crave mon plat sur la comète, j'mets la majuscule à la fin. Yeah.